beaucoup. Bonjour, bonsoir, merci d'être là. 751e, rendez-vous avec vous, une émission que je vous propose, que j'ai le plaisir de vous proposer et d'animer également. Quand on est ensemble, en tout cas en ce qui me concerne, eh bien il me semble que nous sommes entre amis. Parce que dans cette émission de rendez-vous avec vous, vous êtes toujours là, présent et présente, ou plutôt présente et présent, honneur aux dames. Et c'est pour ça que cette émission, elle est ce qu'elle est. Empreinte d'amour, de tendresse et de chansons, bien sûr, qui nous apportent l'amour, tout simplement. Vous êtes là. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Salut les amis. Salut. Bonjour, bonjour, on va bien s'amuser. Bonjour, bonjour, vite entrez dans la danse, car nous allons passer une bonne soirée. Bonjour, bonjour, prenez votre cavalière, n'hésitez pas, offrez-lui votre bras. Les amoureux ne font pas de manière, oubliez tout, faites les fous. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, on va bien s'amuser. Bonjour, bonjour, vite entrez dans la danse, car nous allons passer une bonne soirée. Bonjour, bonjour, prenez votre cavalière, n'hésitez pas, offrez-lui votre bras. Les amoureux ne font pas de manière, oubliez tout, faites les fous. Bonjour, bonjour. Avec un petit brin de musette, on continue cette promenade, puisque c'en est une, parmi les chansons, parmi les belles chansons et parmi, bien sûr, les souvenirs. petit brin de musette pour égayer eh bien, tout simplement cette émission. Mais est-il besoin de l'égayer puisqu'elle l'est tout naturellement? Je voudrais faire plaisir à Marcel, qui vient de m'appeler et qui souhaite un petit tango. Et si possible, m'a-t-elle dit, le tango de ma jeunesse. Mais bien sûr, Marcel, c'est avec grand plaisir que je vous offre ce tango de votre jeunesse. Et j'espère que vous allez eh bien, tout simplement le danser. Adieu, oui, mais aussi merci. Merci d'avoir chanté pour moi chaque nuit au temps des 20 ans de ma vie. Adieu, tango de ma jeunesse. Demain t'emporte dans l'oubli. Nous deux, je t'en fais la promesse, nous resterons toujours amis. Adieu, tango de ma jeunesse. Adieu, oui, mais aussi merci. Merci d'avoir chanté pour moi chaque nuit au temps des 20 ans de ma vie. Adieu, tango de ma jeunesse. Ce soir s'en viennent les soupirs. Mais Dieu, que j'en ai de richesse d'avoir autant de souvenirs. Adieu, tango de ma jeunesse, ce soir s'en viennent les soupirs, mais Dieu, que j'en ai de richesse d'avoir autant de souvenirs. Nous allons tout de suite, si vous le voulez bien, partir du côté de Paris. Charles Trenet va nous chanter une romance. S'aimait depuis 2 jours à peine. Y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre 20 ans. C'est la romance de Paris, au coin des ruelles fleuries. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. La banlieue était leur vrai domaine.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Quand il ouvre les tables à 6h du matin, pour changer la litière l'hiver comme l'été, il ne se plaignait pas, il ne demandait rien, il n'avait pas choisi, mais c'était son métier. La traite terminée, il se mettait à table, les rillettes, le fromage, le gros pain, le vin blanc. Travailler sans manger, c'était inacceptable. Le café terminé, il partait dans les champs. Mais le lierre a couvert le mur de la maison. Quelques tuiles envolées par le vent de novembre. Plus de foin au printemps, plus de blé aux moissons. Plus de bêtes à l'étable, de vendange en septembre. Le mur du potager est toujours là pourtant. Plus de choux mais partout des ronces et des orties. Et les pommiers sont en fleurs sans le vouloir vraiment. Le même vieux clocher sonne déjà midi. Sur son tracteur, c'était la clim aux quatre vents. Une charrue de sac, ça lui suffisait bien. Le béret sur la tête, il prenait le volant. Il y avait toujours à faire des moissons jusqu'au foin. Tout l'hiver dans sa vigne, il prenait de la peine à tailler, à tirer, à brûler les sarments. C'est le sang de sa terre qui coulait dans ses veines quand il partait matin bosser par tous les temps. Plus de grains au grenier, mais derrière un chevron, des mégots de gauloises qu'on fumait en cachette par la fenêtre ouverte dans la chambre du fond. Le volet se balance, brisé par les tempêtes, le chaudron suspendu après la crémaillère. Et là pour témoigner qu'ici on a vécu à côté de l'évier, une cassotte en fer. Le vieux robinet s'ouvre mais l'eau ne coule plus. Sa terre, c'était sa vie, c'était son seul trésor. Et il l'a façonné comme un bon artisan. Cette terre de là-haut, je sais qu'il l'aime encore. Cette terre qui n'a pas pu nourrir ses enfants. Le travail de sa vie, ils le lui ont volé. Ses chacals, ses rapaces, ils l'ont assassiné. Magouilleurs et notaires qui ne sèment jamais le moindre haricot, le moindre grain de blé. Et le lierre a couvert le mur de la maison. Quelques tuiles envolées par le vent de novembre. Plus de foin au printemps, non plus de blé aux moissons. Plus de bêtes à l'étable, de vendanges en septembre. Le mur du potager toujours là pourtant. Plus de choux mais partout des ronces et des orties. Les pommiers sont en fleurs sans le vouloir vraiment. Le même vieux clocher sonne déjà midi. Le chaudron suspendu après la crémaillère est là pour témoigner qu'ici on a vécu à côté de l'évier. Une cassotte en fer, le vieux robinet s'ouvre mais l'eau ne coule plus. Je ne sais pas si vous avez bien écouté les paroles. En tout cas, ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Ça donne à réfléchir. Allez, on va égayer un peu l'ambiance parce que c'est pas tellement Bon, on va dire qu'on est un peu plombé. C'est comme ça qu'on dit. Allez, le marchand de bonheur, ça va nous ravigoter un tout petit peu. Souviens-moi, comment pouvoir oublier

font chanter nos accordéons. Quand les beaux jours enfin reviennent, elles font refleurir nos chansons. Ce joli petit coin perdu de montagne protège toujours nos amours. De tous les volcans coulera le champagne pour fêter les jours sans retour. Les vertes vallées de l'Auvergne gardent nos plus beaux souvenirs. De l'Auvergne font chanter nos accordéons. Quand les beaux jours enfin reviennent, elles font refleurir nos chansons. Ce joli petit coin perdu de montagne protège toujours notre amour. De tous les volcans coulera le champagne pour fêter des jours sans retour. Les vertes vallées de l'Auvergne garde nos plus beaux souvenirs. Allez, une petite chanson pour Maria. Sans soleil, mes souvenirs d'amour. Je revois l'instant si doux où tous deux, assis sur le vieux banc de pierre, tu sentais bon notre prière. Je me suis mis à genoux comme on fait une prière. À l'abri des pommiers, j'ai pris le premier baiser. Oh Maria, cette valse avec toi, Maria, chantant sa ritournelle, je t'aimerai toujours. Dans un tout petit village, c'est la fête des moissons. Maria, une fille sage, est entourée de garçons. Mais le beau Jean-Pierre, la prenant dans ses bras, lui tourne la tête et lui chante tout bas. Oh Maria, quand je danse avec toi, Maria, cette valse en soleil, mes souvenirs d'amour. Je revois l'instant si doux où tous deux, assis sur le vieux banc de pierre, tu sentais bon notre prière. Je me suis mis à genoux comme on fait une prière. À l'abri des pommiers, j'ai pris le premier baiser. Oh Maria, cette valse avec toi, Maria, chantant sa ritournelle, je t'aimerai toujours. L'information, c'est sur Sorgir FM.

jamais choisi, n'en parlons plus. Je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené. Et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené. Et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Elles sont avocates, elles sont infirmières, et mères de famille, et nos fiancées. Elles sont générales, elles sont romancières, et pilotes de ligne, et femmes au foyer. Elles sont volontaires, elles sont romantiques, et puis orgueilleuses, et puis décidées. Elles sont la lumière, elles sont magnifiques, et puis courageuses devant leurs idées. Les femmes vont monter sur le toit du monde, les bras grands ouverts pour nous protéger.

des rides sur nos fronts, du blanc sur nos cheveux. Mais tu n'as pas changé, gardant sur ton visage le sourire des jours où nous étions heureux. Quand je ferme les yeux, j'entends ta voix qui tremble, cherchant à murmurer un refrain d'autrefois. Qu'il est loin le chemin où nous marchions ensemble, à combien j'aimerais le retrouver parfois. Cette chanson pour toutes les mamans, on ne fera pas de commentaire. On ne fera aucun commentaire en ce qui concerne cette belle chanson. Au soleil, paradis en chanson d'amour. Ah, l'île au soleil, qu'est-ce que je vous propose tout de suite? Ah, une belle chanson, une très très belle chanson. Quoique. Je t'écris d'Angleterre, où je m'ennuie sans toi. Je regarde la mer, ce bateau qui s'en va. Il pleut sur mes vacances, et depuis quelques jours, je reste dans ma chambre. L'océan si bleu se reflétait dans pour toi je reviendrai vers le bonheur. Mon petit homme, vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Et on termine avec un merci, la deuxième partie de l'émission. Viens. Tout contre moi. Donne-moi la main. Ne parle pas. Je sens ton cœur battre des ailes. Je t'aime tant. Tu es si belle. Tu m'as donné jour après jour tant de bonheur et tant d'amour. Pour tout cela, je veux te dire merci, oui, merci. Oui, ce n'est qu'un simple merci, mais je sais que ce mot suffit pour que persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica, fra lui e te divisa in due la stessa anima, però lui sa, l'amico sa, il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti, un vero amico anche bugiardo è. Silenzio che vuol diventare musica, a cantare il coro io le volte che rincorri l'impossibile, perché lui ha, l'amico ha, il saper vivere che manca a te, ti spinge a correre, ti lascia vincere, perché un amico punta e basta. Ogni tua pazzia ne fa una malattia, tanto che a volte ti vien voglia di mandarlo via. Però lui no, l'amico no, per niente al mondo io lo perderò. Litigheremo sì, e lo sa lui perché è pure il mio miglior amico. Eh oui, nous y sommes dans le quart d'heure italien, c'est parti. Eh oui, allez, on recommence tout et on repart à zéro. Solo ti fa compagnia e la voce amica. musica che canta ti dà l'allegria. Canzone, tu che sai regalare emozioni a chi cerca un momento felice e senza pensieri. Canzone, racconti le storie d'amore e ricordi le cose più belle di oggi e di ieri. Canzone, una lacrima tu sai rubare a chi pensa a un amore perduto, a un cuore ferito. Oui, c'est bien vrai, une chanson nous rappelle bien souvent le passé, les choses que nous avons vécues, bien, pas bien, des belles, des pas belles. C'est la vie qui est ainsi faite, on se souvient toujours en tout cas des plus beaux moments. Et cette chanson nous en parle bien sûr. Non ci pensare, non hai motivo di dubitare. Io la conosco da tanto tempo, prima che tu le stessi accanto. Solita storia, tu pensi al peggio, ma forse lei non ha il coraggio di cancellare tutto l'amore per una storia così. La gelosia è una nebbia travolgente, è nemica della mente, strazia il cuore piano piano. La gelosia corre forte il tuo pensiero, se la vedi con un altro pensi già ci sia un mistero. La gelosia è compagna dell'amore, è veloce come un treno, ma vorresti farne a meno. Se il tuo cuor non è ferito, dammi retta, caccia via questa assurda gelosia. Batti cuore e rabbia in corpo e non riesci neanche a parlare. Esce di sera con le sue amiche, bevi con me e lasciala fare. La notte lunga fuori la gente ti guarda e ride ma non sa niente. Mio caro amico, ti resto accanto e non ti lascio così. La gelosia è una nebbia travolgente, è nemica della mente, strazia il cuore piano piano. La gelosia corre forte il tuo pensiero, se la vedi con un altro, pensi già ci sia un mistero. La gelosia è compagna dell'amore, è veloce come un treno, ma vorresti farne a meno. Se il tuo cuor non è ferito, dammi retta, caccia via questa assurda gelosia. Tuo cuor non è ferito, dammi retta, caccia via questa assurda gelosia. Dammi retta, caccia via questa assurda gelosia. È una brutta malattia, la gelosia. Eh oui, mais on est jaloux de ce que l'on aime bien souvent. Alors oui, on peut être jaloux. On peut être jaloux. Surtout quand on regarde les yeux de cette belle chanson, Questa bella ragazza. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che vi aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazze, io vi parlo coi silenzi dell'amore e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte nella notte dei tuoi occhi, c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno il loro scoprirò. Quello che tu nasconderai. Occhi di ragazza, questo viaggio prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere il buono. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Oh, l'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò.